Le dirigeant suprême Kim Jong-un a dirigé le lancement expérimental des missiles de croisière Solmer, nouvellement exploités par l'Académie des sciences de défense nationale. Il a été accompagné de Fang Byung-soo, de Lee Byung-chul, de Lee Yong-il, de Kim Jong-si et de Chung Sung-il. Le nouveau missile est un puissant moyen offensif capable de frapper comme on veut sur le sol les flottilles ennemies visant les coups militaires contre nous. Le dernier lancement expérimental avait pour but de vérifier les éléments tactiques et techniques et les caractéristiques techniques du nouveau missile de croisière Solmer et d'examiner l'efficacité dans le combat sur l'ensemble du système d'armes tel que le missile et le véhicule lanceur à chenilles. Le dirigeant suprême s'est renseigné des éléments tactiques et techniques du nouveau missile de croisière au poste d'observation et donné l'ordre de commencer le lancement expérimental. Les missiles de croisière ont effectué les vols corrects, détecté les cibles sur la mer de l'Est de Corée et ont fait mouche. Le lancement expérimental a vérifié les caractéristiques du décollement de fusée du missile de croisière sur le véhicule lanceur à chenilles, du fonctionnement des moteurs et de l'entrée prompte au système de vol rasmote de croisière et examiné la sûreté de vol pendant le système de vol rasmote de croisière à longue distance, les caractéristiques mobiles suivant divers trajets, la détection de cibles et la précision de guidage de l'engin, la capacité de distinction des ennemis et celle de changement d'altitude brusque au moment de l'entrée aux cibles. On a également examiné et vérifié les caractéristiques mobiles du véhicule lanceur à chenilles nouvellement exploité, les préparatifs d'entrée à la position de combat et au tir immédiat, et la fiabilité des mouvements du système de lancement et de commande au cours du processus préparatoire du lancement. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a hautement apprécié les mérites des cadres scientifiques et techniciens de l'Académie des sciences de défense nationale qui ont mis au point à merveille le nouveau missile de croisière Solmer auquel le parti fait rankin et effectué fructueusement son lancement expérimental.